بسم الله الرحمن الرحيم. فما زال في كتابنا استلال على كنز الأطفال. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le livre de الأداب, le comportement. فقال المؤلف في الدرس 42 بعد المئة 142e leçon. يقول في السؤال 59 و 200 1259e question. ماذا يفعل من رأى منكرا؟ Que doit faire celui qui voit une chose blâmable, un mal? Donc ça c'est connu dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Celui d'entre vous qui voit un mal, c'est-à-dire quiconque d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main, s'il ne peut le faire alors par sa langue, et s'il peut le faire alors par son cœur, et cela est le niveau le plus bas de la foi. Donc ça c'est une chose à faire importante, et c'est un ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de changer les choses par la main. Maintenant il n'y a pas vraiment de... Certains savants voient le fait de faire que le changement par la main ne se fait que par les autorités mises en place dans un pays. Et cela dans l'absolu n'est pas correct. Et en réalité c'est toute personne qui a la possibilité de faire un changement par sa main qu'il le fasse. Sans que cela l'amène, condition importante, à un mal plus grand. Quand des gens qui n'ont pas l'autorité dans le pays peuvent des fois changer des choses par leurs mains sans faire de dégâts. Là, c'est une chose qui est connue. Des adultes avec des enfants, le père dans sa maison, ou des gens dans leur entreprise, ou dans les masajides. C'est des choses qui est tout à fait faisable. D'accord ? Mais vous faire attention que cela n'amène pas à de plus grands dégâts. Et donc, cela montre bien que ordonner le convenable, interdire le blâmable, est une chose qui est obligatoire. Et que sans même qu'on s'en rende compte, quotidiennement on prend des péchés à cause de cette bab-là. Quand on voit plein de mal devant nous, on ne parle pas. Et du mal, je parle dont nous sommes en mesure de pouvoir blâmer, ne serait-ce que par la langue. Et pourtant on ne le fait pas, pourquoi? Par faiblesse. Des fois on voit des gens autour de nous, je parle principalement des musulmans, en train de faire des péchés, on ne dit rien du tout. Alors qu'on devrait dire, il y a Fulain, Adama Yajouz, ou Adama Aslah, ou Atakla, ou Akada, avec un rappel, c'est possible avec douceur, donc cela est faisable. Où cela dépend également du mal qui est commis. Cependant, on passe et on passe directement à l'étape, je le fais dans mon cœur. Alors qu'on peut le faire par la langue. Ou même des fois par la main. Et ça, c'est des choses qui nous coûtent des péchés. Quotidiennement. Voilà, Moustahan. Et aussi, une chose que l'imam Ibn Abd al-Bar, Ibn al-Arabi, cite dans son livre Ahkam al-Qur'an, une chose qui est importante. Il dit que ce hadith min ghalib al-fiqh. Ça s'appelle ghalib al-fiqh, c'est-à-dire que c'est une chose, ce hadith-là, est étrange par rapport au fiqh, car en réalité le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ses faits, dans la sunnah, lui il a commencé d'abord par sa langue et ensuite par sa main. C'est ce qui est connu de lui. Lorsqu'il voyait un mal, il interrogeait d'abord à la personne, il dit d'arrêter. Et par la suite, s'il fallait passer à l'autre étape, il passait par sa main. Non. Thumma qala fi sawal 20 wa 60 ba'd al 100. 60e question. كيف يفعل في لبس النعال؟ Comment faire en chaussant les chaussures? Ça, on l'avait déjà dit que le hadith de Aïcha, on commence par la droite. On commence par la droite. Et lorsqu'on déchausse, on commence par la gauche. Et il y a un hadith d'Abu Huraira قال: إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين فإذا نزع فليبدأ بالشمال وليكن اليمنى أولهما تناعل وآخر تنزع. ليكون اليمنى أولهما تنعل ليكون اليمنى أولهما تلعن وليكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. Il a dit que si l'un d'entre vous se chausse, là qui commence par la droite, et que si jamais se déchausse, qui commence par la gauche. Que la droite soit la première à être chaussée et ainsi que la dernière à être déchaussée. Et le hadith hadith al-Rawi al-Bukhari. Thumma qala fi su'al al-61 wa 200 wa 1000. 1261e question. Madha yaf'al idha inqata'at ihda ni'alayhi? Qu'est-ce qu'il fait si une de ses chaussures, masalan, se vient se déchirer ou qu'elle n'est plus chaussable? Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève l'autre également. D'accord, c'est où il met les deux, ou il enlève les deux, mais il ne marche pas avec une seule chaussure. Ou sandale, ou ce qui ressemble. Comme le hadith d'Abu Huraira, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النار واحدة ليخفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا متفق عليه. Il a dit que l'un d'entre vous ne marche pas avec une seule chaussure, une sandale. Soit il chausse les deux, soit il enlève les deux. Marcher qu'une seule, cela n'est pas permis. ثم قال في السؤال الثاني والستين ومئتين وألف 1262e question. ماذا نقول عند دخول البيت؟ Maintenant que dire en entrant à la maison? On dit Bismillah. Comme dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, أنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء رواه مسلم. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque l'homme rentre dans sa maison, et lorsqu'on dit l'homme, c'est un terme qui est général, ça équivaut également à la femme et également à l'enfant. D'accord? Ce n'est pas une chose qui est spécifique à l'homme seulement. Donc lorsqu'il rentre dans sa maison et qu'il cite, qu'il évoque Allah, lorsqu'il rentre ou lorsqu'il mange, Shaytan dit nulle logis, nulle de logis pour vous ce soir, c'est-à-dire aux autres Shayatin, et nul rachat, et pas de dîner. Car la personne, elle a dit Bismillah. ثم قال في السؤال الثالث والستين ومئتين بعد ألف 1263e question. ما أحسن سيع السلام؟ Quelle est la meilleure façon de passer le salam? C'est tout simplement de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans la question d'après, il dit ما هو الأجر المترتب على السلام؟ Maintenant, c'est quoi la récompense que l'on tire à dire le salam? C'est comme dans le hadith de Imran ibn Hussein. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذلك انهم سيغنجو برضي بروفيت صلى الله عليه وسلم اي الذي السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام puis s'est assis et il a dit صلى الله عليه وسلم 10 اي 10 ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد عليه فجلس فقال 20 que l'autre est venu un autre est venu lui a dit السلام عليكم ورحمه الله puis s'est assis le nabi صلى الله عليه وسلم يرد السلام il a dit 20 il a dit 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30 Un autre est venu, il a passé le salam, il lui a dit السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et le Nabi Sassam lui a répondu pareil et il lui a dit 30 30 Ça veut dire que la première façon c'est السلام عليكم ça vaut 10 حسنات La deuxième السلام عليكم ورحمة الله ça vaut 20 حسنات Et la troisième السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ça vaut 30 حسنات Et il est obligatoire pour celui qui te passe le salam que tu lui rendes pareil ou mieux. Comme encore Ta'ala, faisait huyaytum bi tahiyatin fa raddu bi ahsani minha ou mislaha. Donc ça veut dire que soit si quelqu'un te dit salamu alaykum, toi tu dois lui dire salamu alaykum ou plus. Si quelqu'un te dit assalamu alaykum wa rahmatullah, tu dois lui dire assalamu alaykum wa rahmatullah au minimum ou plus. Et ainsi de suite. Pas moins que cela. Thumma qala fi sawal al-khamis wa sittin. On mettait nos alf, 1265e question. Hal tusallim ala man ta'alifu faqat? Est-ce que tu passes le salam à celui que tu connais seulement? Et on dit la. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Amr, un rajulan sala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ay islam khair, qala tut'imu at-ta'am wa taqra as-salam ala man 'arafta wa man la ta'rif. Muttafaqun alayh. Qu'il dit an-nabi ana ma dit an-nabi sallallahu alayhi wasallam, quel est le meilleur islam? Voyez, il lui a dit c'est le fait que tu nourrisses c'est-à-dire les gens de façon générale, et tu passes le salam aux gens que tu connais, comme à ceux que tu ne connais pas. Et à savoir que passer le salam, c'est une cause de propagation de l'amour entre nous, entre les muslimines. Donc on passe le salam, tout muslim que l'on voit, on le passe le salam. Tant que ce n'est pas une personne qui est amenée à être boycottée, comme par exemple un mubtadi, un innovateur, ou une personne de grande perversion. Par exemple. Mais là-bas, c'est lorsqu'on voit un muslim, on ne connaît pas cela de lui, on le passe le salam. D'accord? On le passe le salam. ثم قال في السؤال السادس والستين ومئتين وألف 1262e question. هل تسلم على الصبيان الصغار؟ Est-ce qu'on passe le salam également aux enfants en bas âge? On dit نعم. Le Nabi صلى الله عليه وسلم le faisait comme dans le hadith de Anas ibn Malik رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم est parti, il est passé auprès de jeunes auprès de jeunes garçons, auprès de jeunes enfants, il a passé le salam. Donc il le faisait. ثم قال في السؤال السابع والستين ومئتين وألف 1267e question. ماذا تقول إذا زرت مريضا؟ Maintenant il dit qu'est-ce que tu dois dire lorsque tu rends visite à un malade? On lui dit la baisse tahour inshallah. On ne dit pas de mal que c'est une purification si Allah y veut. C'est-à-dire le mal qui te touche, c'est Allah qui te purifie de tes péchés. D'accord? c'est un mal qui te purifie de tes péchés. Car dans le hadith, c'est venu que le musulman, quoi qu'il soit atteint comme chose douloureuse ou fatigante ou intente, ou ne serait-ce qu'une aiguille qui le pique, cela lui enlève de ses péchés. Dans le hadith d'Ibn Abbas, « Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala a'rabi ya'uduhu » فقال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المريض ويعوده يقول لا باس طهور ان شاء الله لا باس طهور ان شاء الله que le Nabi صلى الله عليه وسلم a visité justement un bédouin et il disait que de son habitude lorsqu'il visitait les malades il disait la باس طهور ان شاء الله رواه البخاري يقول في السؤال 1268 question هل يصلح اكراه المريض على الاكل والشرب doit-on est-ce qu'il est convenable de contraindre le malade à manger ou à boire. Parce que on sait, lorsque les gens sont malades, ils n'ont pas d'appétit. Ils ne veulent pas boire aussi, des fois. Et en fait, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le forcer. Comme dans le hadith de Uqba ibn Amir al-Juhani, radiallahu anhu, qu'a'ala qu'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tukrihu mardakum ala ta'am, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Qu'il a dit, ne forcez pas vos malades à manger, car c'est Allah azawajal qui les nourrit et qui les abreuve. Apporté par Tirmidhi. ثم قال قال في السؤال السابع 1270e question اذكر بعض آداب السلام. Donc maintenant il dit cite certains comportements à avoir lorsqu'on passe au salam. Comment se comporter, comment le faire. اولا يقول في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسلم الراكب على ماشي celui qui est مثلا en monture c'est-à-dire aujourd'hui en voiture ou en moto c'est lui qui passe salam à celui qui marche والماشي القاعد que celui qui marche passe salam en premier à celui qui est assis والقليل الكثير et que ceux qui sont plus nombreux passent salam à ceux qui sont plus nombreux par exemple trois frères passent et six autres frères sont par exemple dans un endroit en train d'attendre, ben ce sont les trois qui passent salam en premier. Ou le hadith muttafaqun alayhi. Wa kadhalik, dans une riwaya du Bukhari, yusallim al-saghir al-kabir, wal-mar al-qa'id, wal-qalil al-kathir. Dans une version, le petit passe salam au grand en premier. D'accord ? Et également, celui qui passe passe salam à celui qui est assis, et ceux qui sont peu nombreux à ceux qui sont nombreux. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam à Nabi Urayra. إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم وليست الأولى بأحق من الآخرة. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si l'un d'entre vous se rend dans une assise, une assemblée, qu'il passe le salam. D'accord ? Donc après il s'assoit. Et si jamais il veut partir, qu'il passe le salam également. Et que la première n'est pas plus méritoire que la dernière. Et ça nous apprend que souvent, lorsqu'on rentre dans une assise où des gens sont présents, on passe au salam, on passe un seul salam, d'accord, général à tout le monde. Ce n'est pas la peine de venir passer salam à tout le monde, en serrer la main à tout le monde. Tu viens, tu dis assalamu alaikum, tu t'assois. Parce que tu as des gens, ils rentrent, ils viennent, ils passent salam à tout le monde, serrent la main à tout le monde. Et ça, ce n'est pas obligatoire. La soula, c'est de passer le salam général et de s'asseoir. Et Kaza Alik, parmi ceux qui passent, qui rendent le salam, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Si un seul le fait, cela aura suffi que tout le monde le fasse. D'accord, c'est un fort qui faille. Rendre le salam, c'est une obligation. Mais maintenant, si un seul le fait dans un groupe, pour un autre groupe ou une personne, son salam à lui suffira à avoir accompli le devoir. Non. Fa natafi bi yadaka al-yawm wa alhamdulillahi rabbil alamin.